veille à sonner, t'as ouvert tes volets. À nouveau la pluie s'est mise à tomber. Tu repars au travail, tu n'as pas le moral. Tu étais fourmi, deviens cigale. Le meilleur moyen d'aimer la vie, c'est la musique. C'est bon quand elle joue comme aujourd'hui dans notre équipe. Qu'est-ce qui nous rapproche des jours heureux? C'est la musique. Même avec des larmes aux yeux, on chante et ça va mieux. Bonjour à tous les auditeurs et auditrices de Radio Gemozo 107FM. Vous nous suivez également sur le web www.radiogemozo.eu ainsi que sur les réseaux sociaux. Il y a plus de 300 personnes qui ont vu la publication sur la page Facebook de notre radio pour cette émission. Alors un petit coucou à ma petite équipe et des bisous au fan club des années bonheur. Bonjour Lia. Bonjour Lilou. Tu vas bien? Bah, je vais très bien, merci. Depuis hier soir. Et toi? ça va bien. On a du beau soleil, il fait beau. Ah bah oui. C'est agréable. On a beaucoup de chance. Alors vous êtes avec Gilou dans les années bonheur. Je vous accompagne jusqu'à 17h en direct. Et j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Stella. Bonjour Gilles, bonjour les auditeurs. Stella. Donc qui est accompagnée de sa maman. Oui, tout à fait. Voilà, la maman s'appelle Agnès. Agnès, bonjour Agnès. Bonjour. Voilà. Alors, bienvenue dans nos studios. Bah, merci de m'accueillir, je suis ravie. C'est toujours avec plaisir, puisque bien sûr nous avons eu l'occasion de nous rencontrer en 2017. Oui, c'est ça, il y a 2 ans. Il y a 2 ans, hein, c'est ça, voilà. Donc ça, là, c'était pour parler d'autres choses, hein, c'était pour parler de votre spectacle avec... Oui, Lambert, spectacle de magie avec magie. Lambert du décor pour lancer notre tournée qui s'est passée dans toute la France. Voilà, c'est ça. Bon, ben ça va, j'ai pas été hypnotisé le jour-là, tout s'est bien passé. Non, tout s'est bien passé. On ne sait pas ce qui s'est passé en coulisses. Oui, oui. Donc, on salue peut-être aussi. Alors, Stella, tu vas nous parler de l'association Passion Show. Oui, tout à fait. Voilà, hein. C'est pour ça que tu es là aujourd'hui. Et puis, on peut peut-être saluer Hubert Pierrot Craco. Le président de l'association. De l'association, que j'avais aussi le plaisir de rencontrer. Oui. Dans nos studios. Donc, on va en venir à un futur spectacle bientôt, le 1er juin. Oui, le 1er juin prochain. À la salle Flambeau. Oui, à l'espace Flambeau à Mirecourt. À Mirecourt, hein, voilà, donc. Oui. Spectacle de variété, un concours de chanteurs. Oui, voilà, un concours vraiment d'artistes. Amateurs ou professionnels, mais dans tous les domaines. Donc, c'est un tremplin artistique pour les candidats. Voilà, d'accord. Voilà. Mm-hmm. Alors, ça sera donc la troisième année. Oui, troisième édition déjà, ça passe très vite. Ouais. Et c'est un projet qui monte vraiment en puissance parce qu'on a de plus en plus d'artistes qui nous contactent pour participer à notre show et également beaucoup plus de spectateurs le jour J. Donc là, on essaye de dépasser la barre des 500 spectateurs. Ce serait génial pour cette année. Ouais, c'est vraiment bien. Ça fait déjà du monde, c'est bien. Oui, pour une petite ville comme Mirecourt, c'est vraiment très bien et ça montre que le spectacle vivant n'est pas mort, justement, et que ça réunit tout le monde, toutes les générations, les plus grands comme les plus âgés, donc c'est ce qu'on veut. D'accord, ouais, ok, bon, je poserai peut-être ma candidature, je verrai bien. Oui, j'espère, j'attends, hein, c'est la troisième année qu'on attend, Gilles. Alors, cette association est née quand, comment ça s'est... Le tout début, elle est née il y a 5 ans. Ouais. On organisait le 31 décembre, donc justement, un spectacle avec repas. Et on s'est rendu compte que les gens, ce qui leur plaisait, c'était vraiment une soirée entièrement dédiée au spectacle. Donc on s'est dit qu'on allait faire ce qu'ils voulaient vraiment, et qu'on allait consacrer toute une soirée sur le spectacle, mais avec des personnes qui étaient amateurs ou professionnelles, mais qui n'étaient pas mis sur le devant de la scène, et justement se servir de notre soirée pour faire un tremplin artistique, pour les pousser et les faire aller plus haut encore dans leur parcours. D'accord. Et il y avait aussi, j'ai eu l'occasion de recevoir aussi, je dirais, un chanteur, une chanteuse qui ont fait partie aussi de l'association, mais je crois qu'ils n'y sont plus maintenant. Oui. Je ne me souviens plus des prénoms. Oui, Philippe, je crois, et Christiane. Et Christiane, voilà, c'est ça. C'est vrai que je les avais reçus aussi. Bon, ils participaient, je pense, à ce moment-là. Oui, ils étaient plus au niveau du 31 décembre. Et, c'était plus au niveau du 31. Du coup, voilà. Ça ne correspondait plus à leur attente au niveau du spectacle Le Grand Show. Donc, on a pris un grand virage au niveau de l'association. Et finalement, on est ravis parce que c'est une montée en puissance, comme je vous disais tout à l'heure, et c'est que du bonheur. D'accord. Et vous êtes combien de membres ? Alors, on est une quinzaine. Quinzaine de membres, environ, ouais. de membres fixes. Mmh. Mais c'est vrai que cette année, on a renouvelé nos membres. Il y a des personnes qui ont souhaité, suite au grand show, justement, nous rejoindre dans l'association. Et on a fait le plein de jeunesse. Donc, on est reparti pour plusieurs années, là encore. Bien sûr, oui. Oui, parce que je veux dire, il faut du monde pour préparer tout ça. Oui, voilà. Préparation, c'est beaucoup d'organisation. Organisation, bien sûr. Et puis après, le jour J, peut-être même la veille, je ne sais pas, sur le plan technique, pour tout ce qui est... Oui, beaucoup. Sur la scène, les jeux de lumière, tout ça, enfin tout ce qui... Oui, il y a beaucoup de personnes qui mettent en œuvre vraiment le meilleur d'eux-mêmes, tant la veille que des semaines avant, pour faire la promotion, pour communiquer un maximum. Et c'est vrai qu'on a besoin des bras le jour J pour installer tout. Et on fait appel également à un technicien son et lumière professionnel pour assurer vraiment un grand show, c'est le cas de le dire. Pour que tous les artistes soient mis en avant et que ce soit beau pour les spectateurs. Pour les spectateurs aussi, oui. Donc, puis même pour nous, c'est un plaisir de faire une scène qui est vraiment belle et qui donne envie. Donc, c'est notre passion. Donc, voilà. D'accord. 30 candidats cette année, hein, c'est ça ? Alors, il y a 15 candidats, mais 30 artistes. Ah oui, 15 candidats et 30 artistes. Alors, est-ce que... Donc, ça ne sera pas uniquement sur la chanson. Est-ce qu'il y aura des artistes, je dirais visuels, autre chose que de la musique. Oui, tout à fait. Il y a plusieurs disciplines. Là, cette année, on a des disciplines qu'on n'avait jamais eues les deux précédentes éditions. On a du cirque, on a un numéro visuel de cabaret, on a également de la danse orientale, un groupe de théâtre, et de la magie, évidemment, mais également de l'humour et de la ventriloquie, chose qu'on n'a jamais eue. D'accord. Et au niveau du chant, c'est vrai que c'est un talent qui revient souvent, mais là on a la chance d'avoir deux chanteurs d'opéra qui vont venir cette année, donc et en plus c'est des très jeunes, des moins de 20 ans. D'accord. Ils chantent de l'opéra, c'est tout à fait. C'est pas commun, c'est ce qu'on voulait. On voulait vraiment mettre en avant les artistes qui font des prestations peu communes, et justement les mettre en avant pour les pousser à aller plus loin par la suite. D'accord. Alors, le classement se fait sur les 30 artistes ou uniquement sur les artistes qui chantent ? Est-ce que les autres dont tu viens de nous parler, donc tout ce qui est cabaret, etc., est-ce que ça rentre dans le classement ? Oui, tout à fait. Oui, parce qu'on a vraiment deux critères. Donc, c'est au niveau de la technique, savoir si leur numéro a bien été réalisé, et sur le côté artistique. Donc, on veut que ce soit visuel, que ça puisse être compréhensible de tout le monde. Donc, c'est vraiment les critères sur lesquels on se base pour choisir nos candidats. Et c'est sur lesquels ils seront également récompensés à la fin du grand show, parce que c'est un concours aussi, mais avant tout, c'est un spectacle vivant. D'accord. Et les récompenses, alors ? Les récompenses. Je les garde pour moi. Non, je plaisante bien évidemment que non. Alors, en récompense, il y a 1 000 euros à gagner. Oui. Donc, à départager entre les trois candidats. Le premier candidat aura le droit à 500 euros, le deuxième 300, le troisième 200 euros. Donc, avec une coupe et puis des petits cadeaux. Oui. Donc, vraiment, on veut les récompenser et... se servir de cet argent-là pour les gagnants, pour aller plus loin, pour aboutir à des projets professionnels. Chose que la première année, ce fut le cas avec un des candidats qui a créé son label artistique grâce justement à l'argent qu'il a pu récolter en gagnant au grand show. C'est très bien. D'accord. Alors, on va faire une petite pause musicale. Avec plaisir. On va écouter donc le gagnant de la première édition. Oui. Hein, donc, c'est le rappeur LZK, c'est oui, ça tout à si fait. Je ne me trompe pas, avec le titre Jeune âge. Oui. C'est bien ça. On écoute et puis on en reparle après. Tu m'as appris la vie, je sais que plus on grandit, plus on a de soucis. Si j'adresse ce message, c'est pour parler de cette maladie qui en touche chaque jour et qui blesse des familles. Tu montrais ton visage amusant, triste ou en colère. Malgré les conneries que j'ai faites, j'espère te rendre fier. Tu te casses le dos pour nous, personne te remplacera. Chaque jour ta force était plus grande en toi. Tu travaillais dur pour voir le bonheur dans nos yeux. Assis sur un banc, je regarde vers les cieux. Des nouvelles pas très bonnes t'ont détruit petit à petit. Jusqu'à ce qu'on t'annonce qu'une cellule va mettre fin à ta vie. Tu penses à nous, nous regardes et demandes ce qu'on va devenir. Partir sans avoir le choix te fait gravement souffrir. Donc tu décides de mener ce combat jusqu'à affronter la mort. Car pour toi cette dernière épreuve prouve que tu es fort. Dans mon adulte depuis mon plus jeune âge. On vit, on meurt, mais qui va tourner la page? Elle te tuera, mais tu auras aussi ton entourage. La lutte continue, elle n'est pas que de passage. Dans le monde des adultes depuis mon plus jeune âge. On vit, on meurt, mais qui va tourner la page? Elle te tuera, mais tu auras aussi ton entourage. La lutte continue, elle n'est pas que de passage. Celle qui nous a tout donné avec toi. Elle vit ton combat et te relève quand ça va pas. Quand tu ne seras plus là, on sera là pour l'aider. C'est comme une guerre mais impossible d'avoir la paix. Le seul drapeau blanc sera posé sur ton visage. Y'en a qui feront hommage et d'autres voudront l'héritage. Des milliers d'âmes humaines enlevées par cette horreur. Je parle du cancer, rien qu'au mot on en a peur. On va se poser et vouloir du réconfort. Les années passent, ton parcours on y pense encore. Grâce à toi j'ai commencé le rap et je délivre un message. Dans ce monde trop de haine, stoppez votre rage. Une larme sur ma plume pour bien m'exprimer. J'aimerais fermer les yeux et revenir dans le passé. Dans le monde des adultes depuis mon plus jeune âge. On vit, on meurt, mais qui va tourner la page? Elle te tuera, mais tu auras aussi ton entourage. La lutte continue, elle n'est pas que de passage. Dans le monde des adultes depuis mon plus jeune âge. On vit, on meurt, mais qui va tourner la page? Elle te tuera, mais tu auras aussi ton entourage. La lutte continue, elle n'est pas que de passage. Dans le monde des adultes depuis mon plus jeune âge. On vit, on meurt, mais qui va tourner la page? Elle te tuera, mais tu auras aussi ton entourage. La lutte continue, elle n'est pas que de passage. Dans le monde des adultes depuis mon plus jeune âge. On vit, on meurt, mais qui va tourner la page? Elle te tuera, mais tu auras aussi ton entourage. La lutte continue, elle n'est pas que de passage. Voilà, on vient d'entendre le rappeur LZK, donc gagnant de la première édition, Stella, avec ce titre Jeune âge. Oui, tout à fait. Voilà, qui est disponible sur YouTube. Alors, cet artiste-là, par exemple, qu'est-il devenu ? Eh bien, justement, comme je vous le disais tout à l'heure, il a créé son label artistique suite au fait qu'il ait gagné le grand show. Donc, ça l'a poussé. On l'a aidé aussi par la suite, parce qu'on ne laisse pas les candidats comme ça dans la nature, entre guillemets. On c'est essaye de les garder un petit peu sous notre aile et de les booster, de les aider. Et que c'est vrai que c'est avec des nouvelles rencontres, avec des conseils personnalisés pour justement atteindre leur objectif. C'est bien, parce que c'est vrai que bon, ça peut des fois les déstabiliser. Je vais faire une petite parenthèse. Par exemple, si on parle de l'émission de télé The Voice. Oui. Bon, là, c'est vrai qu'il y a des belles voix aussi. C'est vrai qu'il y a des superbes voix. Mais souvent, je pense que les artistes, après, retombent dans l'anonymat. Et oui, voilà, c'est ça. Je pense qu'ils pas, sont propulsés. Sont pas suivis. C'est pour ça que c'est bien votre tremplin. Et au moins, Parce que c'est vrai qu'il y a des jeunes artistes qui passent dans cette émission-là, et puis après, ils sont propulsés très haut, très vite. Et justement, je ne pense pas qu'ils soient encadrés aussi par la suite et qu'ils soient suivis. Et nous, c'est vrai que c'est ce qu'on essaye de faire avec nos artistes, qu'ils acceptent aussi, hein, parce qu'il y en a qui préfèrent faire chemin à part, ce que je peux comprendre. Oui, bien sûr, oui. Mais justement, quand on peut encadrer et booster les artistes, on essaye d'être à leur côté jusqu'au bout. Quoi. D'accord. Alors l'association, je veux dire, bon, tu nous as parlé tout à l'heure de cadeaux, de l'eau, tout ça, oui. Je veux dire, c'est financé de quelle façon, comment vous trouvez les fonds pour organiser tout ça? Alors on essaye de faire des lotos, donc c'est pas vraiment artistique, mais c'est vraiment pour le côté financement, qu'on puisse déjà rentrer un petit peu dans nos frais. Après, je vous cache pas qu'on n'est pas forcément bénéficiaire sur des soirées comme ça. On essaye de faire durant l'année des manifestations qui peuvent nous rapporter un petit peu, enfin éponger nos dépenses, mais on le fait vraiment pour le plaisir de la scène, pour le plaisir de, d'élever les artistes, mais les fonds récoltés, c'est vraiment par des lotos, des choses comme ça. Oui, des choses sociales. Puis bon, les lotos, ça marche pas trop mal quand même. Oui, ça marche très bien. Ça marche bien les lotos, c'est vrai. Et c'est surtout le fait qu'on souhaite garder la gratuité de cette soirée, chose qui est rare dans la Lorraine, même ailleurs, parce qu'on veut vraiment que ce soit accessible à tout le monde, que ce soit accessible aux familles, que tout le monde puisse venir. Et le fait que ce soit gratuit, je pense que ça motive aussi les spectateurs à se déplacer. Et c'est rare d'avoir un grand show comme ça, d'une durée de 2 heures, avec une trentaine d'artistes et un jury de professionnels, justement, mais à titre gratuit. Oui, c'est vrai, c'est rare. On le fait vraiment pour la passion, l'envie et puis l'amour de la scène. Oui, parce que bon, même une petite entrée, je sais pas, bon, ça pourrait vous apporter un petit peu de. Ah, bah de oui, moulin, ça pourrait bouger un petit peu, oui, c'est vrai. Nos dépenses, on aimerait bien, mais il ne faut pas que ce soit exorbitant comme prix, quoi. On veut que tout le monde puisse venir. Et, parce que si on fait un show et qu'on met toute notre âme, notre énergie dedans et qu'au final, les spectateurs ne peuvent pas venir, ça n'a pas d'intérêt parce qu'on veut vraiment les faire. Vivre un bon moment. Ouais. Donc, il y a des jurés qui sont là. Donc, on va juste dire, je te laisse dire, Stella, pour les jurés de ce spectacle. Oui, on a un jury composé de professionnels donc, du domaine artistique, c'est ce qu'il faut savoir, qui sont vraiment qualifiés pour tout ce qui est notation au niveau technique et artistique. Donc voilà, qui ont été reconnus, qui ont fait des championnats, des choses comme ça. Donc c'est pas n'importe qui. Alors je ne demanderai pas, mais il y a des gens connus quand même. Enfin, je veux dire connus, oui, sûrement. Et dans leur domaine, oui, peut-être pas du grand public, mais dans le domaine dans lequel ils exercent, oui, ils sont généralement connus. Donc on a souvent des directeurs. Ils sont tous issus du milieu artistique, quoi. Je veux dire tous. Oui, tous, d'accord. Ouais. Mm-hmm. Oui, je vois pas un. Je vois pas un maçon pour... Non, c'est vrai, ce serait dur de noter, justement, à juste titre. Non, mais justement, on a un jury professionnel et qui rencontre les candidats. Et s'ils sont motivés et qu'ils ont envie d'aller plus loin, ils peuvent toujours faire appel, justement, au jury après le grand show, bien évidemment. Mais pour continuer, pour faire des rencontres professionnelles. Et c'est aussi pour ça qu'on booste cette soirée. D'accord. Alors, on a parlé un petit peu de l'historique de l'association. Oui. Hein, on a parlé un petit peu de l'historique de l'association, le suivi des candidats. Oui, hein, on verra après avec les autres artistes qu'on va écouter, c'est des bonnes surprises qu'on a. On a pu sélectionner des bonnes pépites dans tous nos candidats sur les 3 dernières années. Donc, c'est vraiment bien. D'accord. Donc, cette association. Donc, vous ne faites. Vous n'organisez que ça. C'est bien à part par exemple, de ce que tu fais avec Lambert du Décor. Oui. C'est tout à fait. Oui, en fait c'est à part, mais dans un sens c'est assez relié parce qu'on a le plaisir de la scène, on monte sur scène, on crée vraiment des décors, une scénographie qui est vraiment magnifique, mais c'est vrai que l'événement principal de l'association c'est le grand show, donc tout début juin, généralement c'est entre le 1er et le 3, donc le premier week-end de juin, où on fait le gros spectacle, le grand show justement, et c'est notre événement annuel. Voilà, donc, alors, à la limite, vous pourriez aussi, je dis, bon, amis auditeurs, auditrices, vous pouvez nous passer un petit coup de fil au 03 29 62 40 40, si des fois, quelqu'un veut réagir aussi un petit peu, peut-être, avec toi, c'était là, hein, s'il y a des questions, des choses, voilà, qui les intéressent, quoi. Moi, j'ai une question. Oui. Vas-y. C'est vrai qu'on disait tout à l'heure, on était un petit peu en face, parce que bon, tu connaissais un artiste, donc... Deux voilà, artistes, un groupe. Grand show. Deux ouais. frères. Je me demandais, est-ce que ce grand show, il est réservé que aux adultes, ou alors les mineurs aussi peuvent participer? Comment alors, ça se oui, passe? Justement, il est ouvert à tous, donc aux mineurs, comme aux majeurs, aux amateurs, comme aux professionnels. C'est vraiment un grand show, une scène ouverte qui est ouverte à tous, justement, pour que chacun puisse nous montrer son talent, quel que soit son milieu social, son âge, son sexe. C'est vraiment ouvert à tous. C'était une volonté de partager un petit peu ce milieu amateur ou professionnel, parce qu'on peut se dire que du coup, les amateurs n'ont peut-être pas forcément toutes les chances de leur côté. Et mais du coup... Pardon, allez-y. Mais du coup, voilà, ils se rencontrent avec des professionnels et peut-être que voilà, ils peuvent se donner des tuyaux ou alors voilà, penser qu'on est sur le même pied d'égalité. Ça, c'est chouette. Eh bien, tout à fait. Justement, ce qu'on voulait, c'est qu'il y ait des rencontres entre professionnels et amateurs qui puissent échanger sur une passion commune, même si ce n'est pas forcément dans la discipline dans laquelle ils pratiquent. Et ce qu'on voulait aussi, c'est mettre en valeur les amateurs et les aider à aller plus loin, à se lancer, à trouver la force en eux de faire leur première scène ou pas, ou que ce soit d'autres scènes, et que les professionnels, eux, se remettent en question un petit peu, remettent un petit peu de piment et se disent « Bon, je vais être confronté avec des amateurs, est-ce que je peux avoir le niveau? Est-ce que j'ai le niveau? Est-ce que... » Voilà, donc c'est vraiment se remettre en question et être humble dans sa prestation et... Tout à fait. Et faire le show, quoi. Et cette mixité culturelle, ça fait un peu penser à Incroyable Talent. Est-ce que c'est ça qui a donné ce goût, voilà, à cette passion show? Eh bien, très bonne question. Bah, justement, c'est vrai qu'on a toujours bien aimé le fait qu'il y ait de la scène et que les gens soient mis en avant. Mais ce qu'on regrette dans Un Incroyable Talent, sans vouloir les critiquer, c'est qu'ils font vraiment ils appuient sur le fait que ce soit un concours et que les gens sont en compétition. D'accord. Et c'est j'aime ou j'aime pas. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des répercussions qui peuvent être graves sur les artistes après, oui. s'ils sont détruits par les commentaires. Et nous, c'est vraiment quelque chose qu'on ne veut pas du tout mettre en avant. Justement, on ne parle pas trop de notre jury pour que ce soit l'artiste qui soit mis en avant, que ce soit l'art en lui-même et que ce soit vraiment le show qui soit mis en avant, pas vraiment la compétition. On voit un petit peu que voilà, vous proposez un suivi après le spectacle, que vous êtes attentif un petit peu au bien-être des... du coup, pas aux compétiteurs, mais aux participants. Voilà. Pourquoi ? Parce qu'on veut vraiment les amener à réaliser leurs rêves. Et il y en a certains pour qui c'était leur première scène et qui, du coup, grâce à ça, ça leur a donné la motivation nécessaire pour aller plus loin, pour faire d'autres scènes, pour enregistrer des clips, pour continuer leur discipline, mais devant des spectateurs. Donc, ce qu'on veut vraiment, c'est les garder un petit peu sous notre aile pour qu'ils puissent aller plus loin et en faire des professionnels par la suite, pour réaliser leurs rêves. Mais est-ce que toi, tu étais artiste avant? Enfin, je veux dire, comment s'est née cette motivation de donner naissance à ce spectacle? Alors, je le suis maintenant encore. D'accord, mais pardon. C'est vrai que je suis artiste illusionniste aux côtés de Lambert du décor. D'accord. Et on a cet amour de la scène, cette passion de monter sur scène et transmettre une émotion aux spectateurs ou aux téléspectateurs, ça arrive. Et justement... de faire vivre notre passion. Et ce qu'on voulait, c'était que ce soit accessible à tout le monde, justement, des amateurs ou des professionnels, mais qu'ils n'ont pas forcément la chance de se promouvoir. Donc, on voulait leur donner l'occasion de monter sur scène et qu'ils puissent vivre ce que nous, on vit au quotidien. Est-ce que toi, tu as été confrontée peut-être à cette compétition qui était un petit peu malsaine entre... Eh bien, pas forcément malsaine, parce qu'on a, on a concouru pour des championnats de France, justement. Eh oui. Mais c'est vrai que on ressent cette compétition entre les artistes et du fait qu'il y ait des choses à gagner, du fait qu'il y a un jury. Et nous, ce qu'on voulait vraiment, c'était l'humain avant tout, l'art avant tout et la passion du show avant la passion du gain. C'est magnifique. Donc, les artistes arrivent avec leurs chansons, leurs propres compositions, etc. Oui, tout à fait. Non, parce que je rebondissais juste sur ce que disait Lia très justement. La France a un incroyable talent. C'est vrai que j'ai eu l'occasion de recevoir un artiste ici à la radio. Oui. Santo Baracato, pour pas le nommer, le frère de Frédéric François, et qui a assisté donc à la France Incroyable Talent. D'accord. Il est arrivé, il nous a expliqué, il arrivait avec sa chanson, mais on lui a imposé une autre chanson. Oui. Voilà. C'est ça qui est aussi dans ces gros talk shows, enfin dans ces émissions de télé. Bah justement, voilà, pour c'est ça que voilà. C'est, pour rebondir à ce que vous dites, Gilles, nous en tu tant peux que me dire tu, hein. Oui, tu serais. Ça, voilà. Pour rebondir sur ce que tu dis, nous avec Lambert du Décor, donc qui est un magicien professionnel, on est un duo. On a été approchés justement par un incroyable talent. Le souci, c'est qu'il voulait précisément un numéro. Précis, justement. Oui. Sauf que nous, on voulait vraiment quelque chose d'autre et on voulait communiquer avec le public. Mais c'est vrai que c'est eux qui choisissent et c'est eux qui choisissent le temps, la durée, ce qu'on doit faire. Donc c'est vraiment imposé et c'est pas assez libre au niveau du choix de l'artiste. C'est pas forcément ce qu'il veut proposer. Bien sûr. Donc c'est vrai que nous, on incite chaque candidat du grand show à faire leur discipline qu'ils souhaitent. Ils peuvent très bien faire une reprise, tout comme une interprétation personnelle. Enfin, on a des compositeurs parmi nos trois dernières scènes les ouvertes, éditions, justement. Ouais. Donc, ils composent ou alors ils interprètent, mais ils font vraiment ce que bon leur semble, ce qu'ils pensent être artistique. D'accord. Ça balance un peu quand même les coulisses de Incroyable Talent. Parce qu'ils te jugent sur un numéro que tu viens produire, mais en fait, c'est eux qui choisissent à l'avance ce que tu vas faire. Ouais, deux artistes m'en ont parlé, moi. J'ai reçu deux artistes. Bon, deux artistes m'en ont parlé. Ils sont arrivés avec leur chanson. Enfin, ils voulaient présenter leur chanson, mais on leur a imposé une autre chanson. Ben voilà. Ce qu'il faut penser, c'est que les artistes, après, leur vie continue après l'émission. Ce n'est pas quelques minutes. Donc, s'ils ont été critiqués et descendus par le jury, le souci, c'est qu'après, pour retrouver du travail ou continuer leur performance, ça va être difficile. Ah, c'est toi qui t'es fait buzzer ou on t'a mis une croix, on n'a pas aimé. C'est dur de rebondir en tant qu'artiste. Bien sûr. Nous, on veut pas de compétition. On veut vraiment promouvoir l'art en lui-même et pas la compétition entre chacun. D'accord. Alors, je propose une autre pause musicale. Oui, avec plaisir. Alors, donc, le deuxième... là, c'était la seconde édition du Grand Show. Oui, pour les artistes. Donc, c'est les rappeurs... la prononciation, c'est Lu Géléon. C'est Lu Géléon. Gilou. Oui, désolé. Je vais te faire taper sur les doigts. Désolé. Pourtant, c'est pas de l'anglais. C'est avec l'anglais, c'est du verlan, alors je comprends. Oui, avec l'anglais, j'ai du mal. Donc, et le titre, c'est Freestyle et Pré-Tape. Oui. C'est ça, hein. Freestyle Pré-Tape. Freestyle. Merci. Voilà, toi que j'ai du mal avec l'anglais. Pré-Tape, moi. Qui est leur premier rappeur. Je dis toujours en radio, on a prononcé des titres en anglais. Oui, c'est vrai. En espagnol, en italien. Bon, j'ai un peu de mal avec l'anglais. Comme c'est un titre court, ça va. Oui, on a qu'à l'écouter. Voilà, d'accord. C'était le nom de leur premier EP qui est disponible encore sur roteculture.com. Voilà. Ils sortent leur deuxième EP demain. Demain, oui. Voilà. Et je pense que cette scène a dû bien les propulser parce que maintenant, ils font quand même de merveilleuses choses et on les embrasse. Oui. Allez, d'accord. Et puis on écoute. Yo, t'es pas prêt, j'arrive, Marie, mon frère, mon rap, ma voix, mes cahiers, tes pâtés, j'ai que mes pâtés sur mes papiers que j'ai étalé, les ingrédients ont férimé toute la recette, mon grain de sel quand en plein texte. Et tu bouges la tête, viens d'être sens parce qu'il le fallait bien fait, je pense que j'ai taffé toutes mes rimes entre toutes tes rythmes dans l'attente prélassée. Je crois que le sample est cassé, le riff de gratte et raf, le pas d'esprouf, le truc est gratin grave car le ref n'arrête pas de crash, il roule, on est paré, bien plus qu'il n'y paraît, j'ai tellement gratté de lignes, j'ai pu devenir fou, allez, barré, allez, c'est les aléas et allez, naze, la serrer, le rap, là, c'est des allées, ça va, allez, je laisse la trace qui est la gravée, on peut plus reculer, rien effacer même sur des faces béfalées. On porte nos coups, c'est pour ça qu'on a mis les paquets dès le départ. C'est on a que nos stylos, nos petits post-itos, dino rimes de haut niveau, mais et ça c'est. Après tout, je fais que passer mes nuits à effacer et gratter des phrases bêtes, quelques casse-têtes, des ratés, car des fois c'est. Les se reviennent, tête obscène, j'en fais la peau sans m'en séparer. Mais les poches pleines, j'ai les poches pleines de papier. Car faire du fric, j'ai pas l'art, c'était slouche de pas le cacher. Vos textes donne mal à la tête, moi je rappe et je touche, pas de cacher. Mon rap, c'est tout ce que j'ai pas fait, je veux pas le voir m'échapper. Je crois qu'il faut que Je rêve l'abcès, alors je guise ma plume sur le papier. Ah ouais, t'es pas prêt. On fait tout sauf s'éloigner. Ouvre les oreilles, les yeux et le paquet. Y'a plein de lectures, c'est soigné. Pareil que la tête est parée. Prends le train avant d'être dépassé. J'entends que le truc est trop, je crois voir le futur trépassé. Et tout à coup, des fous jaloux viennent juste me dire que c'est chadé. Car tour à tour, les coups savourent ce doux amour qu'on aime clamer. Je touche à tout, je réfute, j'avoue qu'il bouge la croupe sans décaler. Si je course la boucle, c'est tout à tout. Le poule à tout, je suis presque pas bien. Ah ouais, j'ai craqué. J'ai trop à dire, ouais, c'est pas vrai. Faut j'arrive à contenir à voler larmes dans que j'ai chialé. Car on parle doré rap si vous en avez pas lisé. J'ai peur, je parle, mes peurs, je fais que verbaliser. J'ai que mes vers à livrer, que j'ai bu jusqu'à la lie. Chaque crime pour chaque crime, que je désamorce juste à la ligne, juste là je m'aligne. C'est carré, il faudrait que tu l'admettes petit à petit. Des maîtres s'élèvent pendant que les élèves veulent te la mettre. On brandit, grandir, qui claque, tu vas finir, tu méfies. Mais vu que tu nous as pris pour des bleus, t'aurais peut-être tu te méfier. Mais c'est du rap d'amour, liant des faces qu'ils vantent. Laisse passer, c'est durable, avoue, deux étoiles filantes. Espacé, plus aucun prétexte, les textes sont déjà prêts. Tu voulais un freestyle prêt-tête, voici la tête pas prêt. Fallait que je le fasse avec mon frère, que ça reste gravé. Alors même si t'es pas prêt, voici la tête pas prêt. T'as mis la pression, salaud. Ah, c'est freestyle prêt-tête, fallait annoncer le truc. T'as un truc à dire, toi aussi? Freestyle sec, là. Bah vas-y. Ça y est, t'es le voix dans mes temps. Crois un texte, c'est embêtant. Je passe les mots, tu sens même en béton. Mais bon, j'écris trop, c'est entêtant. En même temps, j'ai percuté le rap à s'entraîner. Je l'ai pas juste trouvé en traîne. Hein, mais il m'a clairement rentré dans mes temps. Mes sens à découvert, j'ai découvert un sens à défendre. M'attendais que j'en tente, qu'est-ce clair, ça me détend. J'étais en poésie en étant sur un nuage et je compte pas descendre. J'ai pas de wagon à pendre, car je le fais dans le temps. Et quand j'écris mes textes à présent, je le fais qu'en pleurant des jets d'encre. Prisonnier de mes pensées, est-ce vraiment à mes dépens? Je dépense énergie et temps. Maintenant, c'est vrai, j'en dépends. Elle m'attirait, je l'aime dans. Cette musique est mon aimant, de toute façon je peux pas démentir. Si mes démons tirent, pourquoi s'enfuir? Demain je serai le même en pire. Quand j'écris je fais le vide en moi, maintenant y'a plus que le néant. Fais du néant, sachant que je vais combler ce trou béant. Vraiment tout ça je le fais pour moi, je rappe pas pour les petits errants. Je passe ces talents pour passer dans le petit écran. Dès que j'enclenche, le verbe devient inquiétant. Serais-je dans 2 ou 7 ans? Laisse-moi rêver quand la lampe s'éteint. Je t'éteins mes poèmes sur toute sorte de feuilles errantes. Je dérange vos mines étranges et que penche jamais sur feuilles mes dents. Car ouais c'est uniquement grâce à ça que je reste en vie. J'ai le son dans le sang, je le sens, attention. Prisonnier de mes cellules, je me sens en détention. La tension se répand, j'attends sagement que sur ma feuille elle se plante. Tu névrosé, non, je crois que mes cordes vocales m'étranglent. Mais je planche, je peux rien faire, tant que l'angle s'épanche. Je m'éponge au buvard, pour le reste on verra plus tard. Je pense, mes tendances s'entendent, entre elles t'entends. Elles dansent en serpentant, qu'en tranche, je m'entête franchement. Est-ce dans ma tête des gens m'appellent, je reste en apnée, j'attends. T'es condamné, le reste en l'année, j'ai ton fan et je m'étends. Je m'étonne d'écrire autant, mais je me dis que c'est en disant mon petit crayon. Que je deviendrai peut-être grand, je vais te faire rougir la tête quand je rappe, j'en ai marre d'être lent. C'est temps, si je prends le fond, la forme, maintenant ça va pas, j'échange. Les gens des gens descendent, j'ai tangué, il était temps. Mais chantera la tête, après du cri à la légende. Je reste en apte quand je récite mes lignes, écrit des manches. Démon d'apprendre, moi, tu déchantes pas face à méchant. Yeah, ah t'as tué ça. Ouais, ouais. Aucun prétexte, les textes sont déjà prêts. Tu voulais un freestyle prêt-tête, voici la tête pas prêt. Fallait que je le fasse avec mon frère et que ça reste gravé. Alors même si t'es pas prêt, voici la tête pas prêt. Plus aucun prétexte, et les textes sont déjà prêts. Tu voulais un freestyle prêt-tête, voici la tête pas prêt. Fallait que je le fasse avec mon frère et que ça reste gravé. Alors même si t'es pas prêt, voici la tête pas prêt. Voilà, donc on vient d'écouter le duo Je te laisse. C'est Louis et Léon. C'est là, voilà. Donc les deuxièmes de la. Enfin. Alors deuxième place, hein, c'est ça. Oui, deuxième ils place ont gagné lors de la deuxième édition. De la deuxième édition. Édition. Donc, ces artistes-là, donc que sont-ils devenus? Alors ils font toujours de la musique, ouais. Justement, donc du rap. Ils sont restés fidèles à eux-mêmes et c'est très bien comme ça. Et ils vont faire la première partie de soprano officielle justement lors de la foire au vin en Alsace, à Colmar, je crois, si je me d'accord. trompe pas. Ah, oui. Donc qui est une très très belle progression justement, ah, oui. De faire la première partie d'un artiste mondialement connu, il faut le dire. Donc c'est bien, vrai. Ils ont progressé et on est très fiers d'eux et très fiers qu'ils... qui soit venu à notre grand show pour la deuxième édition. Puis c'est vrai que bon, à Colmar, là, c'est la foire au vin, hein, on le dit. Oui. Donc il y a eu beaucoup d'artistes qui sont passés là-bas. Et c'est... Là, je veux dire, je sais pas si je peux employer le mot tremplin. Bon, après, c'est des artistes connus. Enfin, c'est pas péjoratif à ce que je dis. Oui. C'est des grandes voitures. Mais justement, c'est vrai que c'est aussi. Ça peut donc permettre à des jeunes comme ça d'aller connaître, plus loin, plus parce que c'est quand même une ça dure sous 15 jours hein, cette foire au vin et voilà il y a eu énormément d'artistes qui sont passés, c'est connu depuis des années, c'est vrai que c'est très bien. Ouais. Et on est fiers justement l'association Passion Show de se dire qu'on a des artistes justement qui concourent dans un autre niveau avec des artistes beaucoup plus connus national et international et de se dire qu'ils sont passés chez nous et de les mettre en avant, et ça on adore, on aime bien quoi. Et ils ont une actualité de folie hein, quand même. Hein. Oui. Là, ils n'arrêtent pas. Là, c'est vrai qu'ils sont surbookés, donc c'est tout ce qu'on leur souhaite. Mais oui, en espérant que voilà, ça puisse ouvrir des portes à d'autres qui passeront par Passion Show. Oui. Et justement, oui, il ne faut pas que vous hésitiez. Je m'adresse à tous les auditeurs qui pratiquent un art quelconque. Justement, contactez-nous pour faire partie du grand show l'année prochaine. N'ayez pas peur, tout niveau est accepté, vous avez votre chance. Et regardez, c'est Luge et Léon, où ils en sont maintenant, donc foncez, contactez-nous, on vous attend. Ça s'organise un an à l'avance déjà l'année d'après. Oui, alors justement, tu m'as pris la tu m'as pris ne vous battez pas pour les questions. Non, mais je plaisante, vas-y, continue, Lia. Il n'y a pas de mal. Donc oui, justement, c'est une grosse organisation, on fait ça un an à l'avance, on commence à recruter un petit peu tout au long de l'année, justement, quand on voit des artistes qui nous plaisent ou qui ont leur chance justement de monter sur scène. Donc ça peut s'organiser dès maintenant, donc justement s'il y a des artistes qui sont intéressés. C'est eux qui proposent leur candidature ou parfois vous vous déplacez sur des scènes, des spectacles et vous dites « Ah, j'aimerais bien qu'il participe celui-là ». Eh bien, elle a que des bonnes questions aujourd'hui. Oui. Parce que justement, c'est beaucoup les artistes qui viennent à nous, mais moi en tant que responsable artiste de l'association Passion Show, on se déplace justement dans des scènes, des autres scènes ouvertes, s'il y en a dans le département, ou alors des concerts, et on propose aux artistes s'ils veulent se produire. Et j'en ai eu justement comme ça qui sont venus et qui ont connu Passion Show parce qu'on a été les voir et puis depuis, ils nous suivent. Donc, oui. Donc c'est vraiment bien. D'accord. Alors moi, je reviendrai sous l'aspect technique, son et lumière, par exemple. Oui. Ah, moi, je suis très technique, j'aime bien savoir un petit peu tout ça. Ça a son importance, hein. C'est une grosse partie de l'organisation. Un artiste sur scène, s'il n'y a rien derrière lui, enfin, je veux dire, derrière, tant sur le son, et puis le son et lumière, voilà. Donc c'est du matériel que vous louez, ça vient d'une autre, une entreprise qui se déplace pour vous apporter ce matériel-là, ou est-ce que c'est du matériel qui est sur place? Alors, je pense pas. Enfin, je sais pas. Alors, c'est vraiment du matériel qu'on a acheté, justement, qui appartient vraiment à Passion Show, pardon. Donc, c'est notre matériel. Après, pour ce qui est du son, on a également un complément avec le technicien son et lumière qui vient, qui est professionnel, qui amène un petit peu son matériel. Mais la plupart, non, c'est le matériel de l'association. Donc voilà, on veut vraiment quelque chose de professionnel. Et justement, Lambert du Décor, est le directeur artistique de la scène ouverte, apporte aussi son point de vue et son savoir-faire, justement, au niveau de la scénographie, du son et de la lumière. Donc on veut vraiment que ce soit comme nous quand on fait des shows de magie devant des centaines et des centaines de spectateurs. D'accord. Alors, je peux faire une petite aparté. Bien sûr, c'est ton émission, Gilles. Non, mais je veux dire, toi, Stella, puis Lambert du Décor, donc vous avez eu l'occasion de refaire des spectacles, quoi. Oui. Où vous en êtes actuellement Depuis 2 ans qu'on est venu à ton émission, on a participé 2 fois au championnat de France de magie, donc en 2016 et en 2018, donc à Paris, avec Gilles Arthur comme organisateur, et Gérard Majax en tant que jury. C'est des beaux projets. On est également parti dans toute la France pour faire notre spectacle Coup de magie, donc sur un thème western et théâtralisé. On a également fait pas mal de prestations donc chez des particuliers, chez des comités d'entreprise, Et puis bah, dans une boîte de production qui, du coup, fait nos shows quand on peut travailler avec eux. Et la grande nouveauté de cette année, qui va bientôt arriver, nous sommes en spectacle tous les jours à la Ferme Aventure, à la Chapelle au Bois, donc dans les Vosges, pour un spectacle sur le thème d'un temple de Chapaya qui a été perdu et de ces deux aventuriers qui décident de retrouver un petit peu un trésor caché. Et on fait intervenir le public, les spectateurs avec nous pour une sacrée aventure bien risquée. Oui, oui, interaction comme ça avec le public. Oui, voilà, c'est ce qu'on veut. C'est vraiment notre marque de fabrique. Ok, ok. Bon, bah, c'était pour voilà, un petit peu savoir. Bon, je vous suivais un petit peu sur les réseaux sociaux quand même. Oui, on essaye de publier de temps en temps, un maximum. Je voyais un petit peu de photos, etc. Oui, donc voilà. Sur la page Lambert du décor, artiste illusionniste. Ah, oui. Justement, on partage beaucoup de choses pour que les spectateurs puissent venir à nous et qu'on puisse échanger avec eux sur des spectacles, puis un petit peu toute notre actualité. Donc, on reste connectés sur scène toujours, que ce soit pour le grand show de Passion Show ou pour justement un petit peu diverses scènes qu'on peut faire dans toute la France. D'accord. Alors, je pense que tu en as parlé tout à l'heure, les différentes disciplines que nous attendons cette année, inédites. Oui. Alors, donc, au niveau des disciplines, on en a plusieurs qu'on n'a jamais eues cette année, donc notamment de l'opéra, comme je disais tout à l'heure. Oui. On a également un numéro visuel de cabaret avec un artiste qui, lui, travaille dans un cabaret et qui souhaitait aussi se reproduire sur scène pour justement sensibiliser les personnes à son art et qu'ils puissent après avoir le goût de venir en cabaret. On a également du monocycle, donc de l'art du cirque. Et grande nouveauté, également, on a une compagnie de théâtre ainsi qu'un humoriste ventriloque. Donc, un petit peu à la Jeff Panaclock. Oui, j'allais dire. Oui, donc voilà. C'est un peut-être pas la même marionnette. Mais c'est bien, non, ça. Voilà, c'est un. C'est bien ça. Peut-être un petit peu moins. C'est sympa, Jeff Panaclock. C'est des fois un petit peu. Oui, un petit peu corsé. Bah, je un pense que c'est moins dû du oui, fait qu'il soit plus jeune également. Bien sûr, mais sûr. c'est sympa d'avoir plusieurs genres d'artistes différents, même s'ils concourent dans la même discipline. On a beaucoup de chants ou de danses, plusieurs personnes qui concourent dans cette discipline. Mais là, vraiment, chacun a son style particulier et c'est ça qu'on veut mettre en avant, la personnalité de chacun avec leur vision de l'art selon eux. Oui, d'accord. Donc c'est vrai que alors ce soir-là, enfin quand ça se passe, que je veux dire sur scène, il doit y avoir du mouvement. Il faut du monde. Je sais pas si on passe bon un artiste qui vient chanter, voilà, etc. Après, est-ce que les artistes, est-ce que vous passez déjà les artistes musiciens et après vous passez sur les autres artistes ou c'est mélangé un hein, chanteur après la marionnette par exemple, tu vois dans une façon aléatoire, si tu veux, voilà. Ou est-ce que voilà. Alors ce qu'on veut vraiment, c'est avoir une dynamique qui soit bonne pour le spectateur. C'est-à-dire que ce ne soit pas que du chant d'un coup, après que des numéros visuels. Ce qu'on veut vraiment, c'est, comment dire, c'est que ce soit une discipline, par exemple du chant, après qu'il y ait de l'humour, après qu'il y ait autre chose. Justement, c'est vraiment mélangé pour que la dynamique soit bonne pour le spectateur, qu'il ne s'ennuie pas et qu'il n'y ait pas de temps mort, justement. Donc, on essaye de faire attention par rapport au chant. Si ça va être une musique qui est très dynamique, qui est beaucoup plus calme. Oui. Donc, c'est vrai que la dynamique, on fait très attention à ça, que ce soit une bonne soirée. Donc, d'accord. Ça, c'est bien. Oui. Ah, ça, c'est bien. C'est pas comme la France a un incroyable talent. Ils vont nous, non, ils vont nous dire s'ils nous écoutent. Qu'est-ce qu'ils ont? Ben oui, je sais pas s'ils nous entendent. Bon, enfin, après, c'est dit, c'est passé. Non, voilà. C'est pas grave. C'est... Hein, non, mais c'est le genre d'émission que j'aime. Voilà. On n'a plus rien maintenant, de toute façon. On n'a plus de belles émissions, madame Talley. Non, c'est vrai, c'est vrai. On n'a plus de belles émissions. C'est pour ça que... Coup de gueule de Gilou. Moi, The Voice... Pardon ? Les coups de gueule de Gilou. Ouais. On va en faire non, une mais émission. C'est pas... Ouais, non, oui. C'est... Petit coup de gueule, on va dire comme ça. Après, justement, c'est pour que les gens ne restent pas derrière leur télévision à se dire, bon, bah voilà, je sais ce qu'est un spectacle parce que je vois à la télé, justement, des émissions. Oui. Non, ce qu'on veut vraiment, c'est que vous veniez à nous, vous veniez à notre événement et aux autres qu'on peut faire, justement, pour que le spectacle vivant perdure. Il y a des bénévoles au sein de votre association qui participent à la mise en place de tout ce show ? Oui, bah, en fait, l'association, on est tous des bénévoles, donc une quinzaine environ. Et on a besoin d'eux, que ce soit pour la communication, donc mettre des flyers un petit peu partout, des affiches pour que vous puissiez connaître, vous, auditeurs, notre spectacle. Mais il y a également tout ce qui est travail le jour même, oui. La veille, tout ce qui est organisation. Donc chacun a son importance, il n'y a pas de petits bras, c'est vraiment tout un ensemble qui fait que ça marche bien. Donc voilà. Et maman, elle donne un coup de main ? Non, c'est vrai qu'elle ne fait pas encore partie l'instant. De l'association. C'est vrai que... Ça viendra peut-être, non ? Mais ça viendra, on est ouvert justement à toute candidature. Tout le monde peut rentrer dans l'association, quel que soit son âge, quel que soit son milieu social, justement, oui. Si vous voulez nous rejoindre pour l'association Passion Chaud, donc, qui est Mirkurtienne. On retrouve les informations sur Facebook, sur Internet. Oui, ah oui, on est très présent sur Facebook. Je ne sais pas, peut-être que Stella, tu peux peut-être en parler, pour les informations sur le site. Alors, on a une page Facebook Passion Chaud, où on communique tous les jours, il y a une publication nouvelle, donc, qui retrace notre événement, que ce soit passé ou que ce soit les événements futurs qu'on voudrait mettre en place. Et on est toujours en train de promouvoir les artistes qui ont justement concouru pour notre grand show, que ce soit la première, la deuxième ou la troisième édition. On les met en valeur tout au long de l'année et on est ouvert justement à d'autres candidatures en tant qu'artiste et en tant que bénévole pour l'association. Parce que c'est une belle aventure humaine avant tout et c'est ce qu'on veut. On veut communiquer notre passion de la scène, de l'art. Donc voilà. Donc on va écouter bientôt une troisième chanson. Donc c'est une nouvelle recrue pour le concours de cette année. Oui, si voilà, j'ai voulu mélanger un petit Alors, peu. Alors j'avais une autre petite question, il est 16h46, ça passe vite. Ah, bien sûr, si j'ai un petit creux. Oui. Alors je voulais dire, est-ce qu'il y a une partie restauration à oui. Passion Chaud ? Alors tout à fait. J'espère que vous mangerez avant de commencer. Mais oui, nous avons une partie restauration et une partie buvette. Donc restauration plus avec du côté salé, des bonbons, des gâteaux faits maison et puis d'autres gourmandises. Justement, ce sera les sous qui seront récoltés pour pouvoir faire une quatrième édition pour éponger un petit peu nos dépenses et justement vous promouvoir un autre événement qui aura de plus en plus d'ampleur. Donc tout achat est bienvenu pour l'association, peut permettre de la faire vivre. Et toute cette restauration, tout ça c'est préparé par vous, par les bénévoles. Oui, par les bénévoles. Aussi, par les bénévoles, bien sûr. Ouais, c'est toujours, c'est vraiment un bénévole de A à Z. D'accord. C'est beau. Donc on fait une autre pause musicale. Et là on va écouter la chanteuse, compositrice, interprète Dita. Oui, Dita. Hein. Donc qui nous chante One and Only. De l'anglais encore, Gilles. Oui, merci Stella. Feel free. Magnifique. Voilà, Dita, on vient d'entendre. Donc la nouvelle recrue, c'est ça, hein, pour le concours de cette année. Oui, voilà, c'était une petite exclusivité qu'on vous propose donc d'une artiste qui va se produire donc interprète et compositrice. Donc elle fait tout elle-même. Ouais. Mmh. Donc pour vous donner un petit peu l'avant-goût et de venir nous voir le 1er juin prochain à l'Espace Flambeau à Mirecourt. C'est pas mal, hein, ça. J'ai visionné le clip YouTube. Oui. C'est bien. C'est bien. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre, Stella, sur Passion Show? Bien sûr, inviter tous nos auditeurs, nos auditrices voilà, qui nous écoutent cet après-midi sur les ondes de Radio Gamozo. Oui, justement, voilà, donc, elle est motivée à venir le jour J. À venir, bien sûr, ouais. Donc chaque année, vous avez de plus en plus de monde. Oui, voilà, hein, depuis la première édition, que la première année, on devait être à peu près à 300 spectateurs. La seconde année, à plus de 450 spectateurs. Ouais. Et là, la troisième édition, bah, on voudrait péter le score. Pas avec péter la salle aussi. Non. Alors la salle, je ne connais pas du tout la salle de Mirecourt. C'est une grande salle, vraiment. Oui, c'est une moyen grande salle. Elle peut accepter bon nombre de spectateurs. On rajoute ce qu'il faut pour que tout le monde puisse venir. Et c'est une grande scène. Ce qui est bien, c'est que ça nous permet justement des petites folies artistiques. Oui, c'est vrai que... pour pouvoir mettre tous les artistes, oui, avoir une belle scénographie. Il faut de la place, il faut une scène. Oui, voilà. Je dirais surtout pour les artistes, cabaret, etc., où ils ont peut-être un petit peu de matériel. Oui, il y a ne serait-ce que les musiciens qui puissent leur matériel également. Oui, alors c'est une chose, les artistes, chanteurs, il y a des musiciens qui les accompagnent ou alors ils viennent avec leur bande sonore. Alors non, il y a beaucoup de musiciens justement, enfin de chanteurs qui viennent avec leurs musiciens. Avec leurs musiciens, il y a également des groupes de musique, donc ce qui occupe toute la scène, qui a un beau visuel. Et il y a des chanteurs justement qui, eux, ont leur bande son qu'on passe et qui chantent en live. Quoi. Il n'y a pas de playback. Il n'y a pas de playback. Oui, ça, c'est important très de le dire. C'est vrai c'est très important de le dire. C'est vrai que... Alors, je ne sais pas, est-ce qu'on a fait le tour, Stella? Est-ce qu'on a un petit peu tout dit? On parlait tout à l'heure un petit peu en aparté des personnes qui étaient plus responsables, peut-être dans différents domaines. Alors, justement, les personnes qui font partie de notre association, il y a également un technicien son et lumière, comme je vous disais. On a également un présentateur de soirée. Et ça, c'est quelque chose qu'on voulait mettre vraiment l'accent dessus pour, avant chaque candidat, glisser un petit mot au spectateur pour présenter l'artiste, donc dire un petit peu d'où il vient, ce qu'il fait, quels sont ses projets futurs. Oui, donc, justement, toujours dans l'envie de mettre en avant la personne, en avant l'artiste, pour qu'il puisse se faire connaître. Oui. Donc on a un présentateur, justement, qui est le président de l'association, qui a une belle prestance sur scène, donc on le met en avant, justement. Donc c'est le président de l'association. De l'association Passion Show, Hubert Pirot. Hubert Pirot. C'est lui, donc, qui fait les présentations. Oui, voilà, il a l'habitude, il a une belle performance. D'accord. Donc, on fait aussi appel à des photographes professionnels, donc, pour que les artistes puissent avoir des belles photos pour faire leur promotion plus tard, justement, s'ils veulent évoluer par la suite. Et puis, pour nous aussi, avoir de bons souvenirs et puis de quoi alimenter la page Facebook que vous allez nous suivre dès maintenant. Mais non, voilà, c'est vrai que... Il y a un petit peu tout corps de métier. Il y a également un régisseur son, lumière. Il y a aussi... moi, je m'occupe des artistes, c'est-à-dire... Oui. Donc, dans les coulisses, c'est moi qui les prépare. C'est moi qui leur dis, tu y vas à tel moment. Est-ce que tu as besoin de matériel? Oui, parce qu'il faut que ça soit matériel. Aussi bien... Oui, c'est très bien, cadré. C'est vraiment cadré, à la minute, à la seconde, presque. Oui, d'accord. C'est vrai que pour que ce soit fluide et que les spectateurs n'aient pas à attendre... Donc, quand on dit 2 heures de show, 2h30, c'est vraiment du non-stop. Mm-hmm. Il y a juste un entracte, justement, de 20 à 30 minutes pour qu'ils puissent aller se rafraîchir, à la restauration rapide. Donc, justement, pour qu'il y ait une vraie dynamique, il faut que tout s'enchaîne. Donc, on a besoin de tous les bénévoles sur tous les points de vue. D'accord. Et puis, au niveau télévision, est-ce qu'il... Vous avez déjà eu est-ce que vous avez déjà pu avoir, France 3 Alors justement, France 3 on a ou Vosges Télévision, choses comme ça. Alors on fait la promotion à Via Vosges, dans l'émission Qu'on se le dise. Donc le président de l'association Passion Show est intervenu hier à 19h. Donc voilà, on essaye de participer aux émissions pour faire connaître notre événement. Et on approche également France 3 pour qu'ils puissent venir filmer le jour J, donc oui. Le grand show le soir. Donc on est en discussion avec eux pour qu'ils puissent venir et faire connaître notre événement à plus grande échelle. D'accord. C'est une belle chose, je dirais, ce grand show-là. Oui, c'est un bel événement, une aventure humaine avant tout et artistique. Oui. Donc, donc c'est ce qu'on veut vraiment. On veut de l'humain et de l'art. Ok. Alors on va écouter le quatrième artiste. Oui. Qui interprète donc L'envie d'aimer. Hein, c'est une chanson voilà, qui est partie de la comédie musicale hein, qu'on connaît bien. Oui. Qu'on connaît bien, je me souviens plus, moi. Et les 10 commandements, je crois. Les 10 commandements, ouais, voilà, c'est ça, voilà. Mais ça, c'est pareil, on l'a tellement entendu. Oui, ouais, c'est vrai, ça fait partie de notre continu. On l'a tellement entendu que après, on oublie un petit peu. Donc, c'est le chanteur Victor Demange. Oui, tout à fait. Qui nous interprète, donc, L'envie d'aimer. C'est tellement simple, l'amour, tellement possible, l'amour, à qui l'entend, regarde autour, à qui le veut, vraiment. C'est tellement rien d'y croire, mais tellement tout pourtant qu'il vaut la peine de le vouloir, de le chercher tout le temps. Pour que l'amour Voilà, on vient d'entendre L'envie d'aimer, une belle voix. Oui, magnifique. Du chanteur Victor Demange. Alors, Victor Demange, lui, c'est pareil. Quel chemin qu'est-ce qui. Alors, il est déjà venu, hein, Christophe, lui. Victor, oui, justement, il est déjà venu. On a tellement de noms en tête. Victor, il est déjà venu. Qu'est-ce qui est bien dans son parcours, c'est qu'il a pu évoluer, justement, je pense aussi grâce à la scène ouverte, le grand show, puisqu'il va intégrer une comédie musicale bientôt qui s'appelle Tous pour un. Donc on lui souhaite plein de bonheur et plein de succès. Ah oui, c'est très bien. Alors on rappelle Stella. Oui. Donc le grand show, 1er juin, samedi 1er juin. Samedi 1er juin, ouverture 20h. À 20h. Donc voilà, tous les pour deux, 2h on va y arriver, à 2h30 de show. Non mais on va peut-être le préciser parce que là je blaguais. On va peut-être repréciser là. Oui, donc alors c'est le grand show, c'est le samedi 1er juin 2019 à 20h, donc pour une durée de 2h à 2h30 de show. C'est à l'espace Flambeau à Mirecourt qui se trouve dans les Vosges, donc dans le 88. Le Grand Est. Oui, voilà. Bon. Ok. Ben, je pense qu'on a fait le tour, Stella. On a fait le tour un petit peu de voilà de. Oui, petite information également. Oui, autre chose, oui. Tous les bénévoles de l'association vont présenter en ouverture de spectacle une petite scénette justement pour que chacun puisse monter sur scène et faire un petit truc artistique pour mettre en avant tous les bénévoles qui sont souvent dans l'ombre et qui, justement, le 1er juin seront sur scène pour quelques minutes pour goûter aussi à la passion du grand show. Ces bénévoles vont faire leur petite scénette au début. Oui, alors c'est vraiment en ouverture, pour présenter, en ouverture de show pour présenter notre grand spectacle qui va durer quelques minutes, moins 2-3 minutes, justement, pour mettre la main à la pâte et puis être sur scène. Et après, il y aura la présentation de chaque artiste. Donc toi, Stella, tu vas participer aussi. Oui, je vais participer à la petite scénette. Et qu'est-ce que tu fais dans la petite scénette? Alors justement, c'est une exclusivité, donc c'est pour que vous puissiez le savoir, il faut venir. Il faut venir, voilà, on ne dira rien. Non, c'est vrai, mais du coup, on vous laisse venir découvrir le 1er juin prochain, à 20h. Eh bien écoute, merci d'être venu dans nos studios. Ben, merci à vous tous, et puis auditeurs, de nous avoir gentiment écoutés. C'est normal, on est là pour ça, l'IA, hein, c'est vrai. Radio, tout le monde est les bienvenus, bien sûr. Et puis, ça me faisait plaisir aussi de te revoir. Deux ans plus tard, l'évolution. C'est vrai que je connais un petit peu, pas tout le monde non plus de l'association, mais j'ai vu déjà plusieurs personnes. Hein, non, c'est vrai, c'est une bonne chose. C'est toujours avec plaisir qu'on vient à cette émission et qu'on écoute nous aussi depuis chez nous. Quoi. C'est vrai que quand j'ai vu le petit message sur Facebook, et puis Lia m'avait envoyé un petit mot. Oui. Elle dit Gilles, c'est peut-être. Je dis oui, bien sûr. J'ai répondu tout de suite favorablement, puisque voilà. On se connaît et puis on va garder un bon souvenir. Oui, c'est vrai, c'est toujours un très bon moment pour venir. Donc là, Gilles, j'espère te voir le 1er juin prochain à Mirecourt. Oui, je vais voir ça normalement le samedi 1er juin. Je crois que nous n'avons rien de prévu et on viendra jusque Mirecourt. Moi, c'est vrai que ça m'intéresserait vraiment. Bon, on en a parlé, tout ça. Et ça m'intéresserait vraiment de venir voir. Mais je pense, comme tous les auditeurs de la radio, qui meurent d'envie d'être au 1er juin un prochain. Un petit peu l'eau à la bouche, tout ça. Oui, c'est vrai, ça donne envie. Ça donne envie de voir. C'est un beau spectacle et comme je l'ai dit, c'est gratuit. Tout, les artistes et tout, enfin, pas l'envers du décor, mais l'envers du décor. Oui, voilà, c'est ça. Non, mais c'est vrai, on aime bien être dans l'ombre ou dans la lumière. On lui fait peut-être un petit coucou, je ne sais pas s'il y a des coucou. Oui, voilà, on l'embrasse très fort. Voilà. Eh bien, merci à toi, Stella. Merci à toi. Merci à la maman. Le prénom, j'ai oublié. Agnès. Merci Agnès d'avoir été présente avec nous aussi. Merci. Merci Lia. Merci Gilou. Merci à tes invités. Voilà, mes auditeurs, auditrices, l'émission se termine. Voilà, j'espère que vous aurez bien pris note de ce grand show qui aura lieu donc, à Mirecourt. Merci à tous. Bonne fin de journée. Portez-vous bien. Bye bye. Volé. À nouveau la pluie